Si on perdait de notre temps à remémorer ces moments qui font qu'aujourd'hui nous on s'aime. Si on perdait de notre temps, nous redeviendrons des amants. On rit comme au temps de l'enfance. Mais pourquoi toujours passer des nuits blanches à chercher des réponses, car l'évidence est que l'on s'aime, le reste n'a d'importance. Et ce qui compte est que l'on avance. Perdait de notre temps, il me reste.